des chiens errants dans une musique magnifique me font m'évader de ma niche corporelle. Ma laisse est rompue, je quitte toute ma clique. Sont des années-lumière intersidérales lamelles. Domi onirique, la bouche bée. On continuera à voyager. Dans ces sons transportant, oui, les chiens de Rouen me font hurler étincelant été. Ombre marchande se secouant avec Linda. Et sous un ciel gris, on brille tous nos nez. On fait un barbecue avec des amis là. Le ciel est transparent, les étoiles révélées. Domi onirique, la bouche bée. On continuera à voyager. Dans ces sons transportants, oui, les chiens de Rouen me font hurler étincelant été. Le remède à certains mots pas musicaux, c'est la magique mélodie de ces loups. Tout voyageur qui nous transporte, nous sédentaires locaux, nomades immobiles autochtones d'un monde flou. Domi onirique, la bouche bée. On continuera à voyager. Dans ces sons transportants, oui, les chiens de Rouen me font hurler étincelant été. Pas triste car la bonté demeure. Certains s'envolent mais restent quand même dans nos cœurs. Domi soliste, vous n'êtes pas triste par la beauté du cœur. Certains s'envolent mais restez demeure. Domi onirique, la bouche bée. On continuera à voyager. Dans ces sons transportants, oui, les chiens de Rouen me font hurler étincelant été.